بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc maintenant le cours numéro 12 dans l'explication du livre de l'imam al-Nawawi Riyad al-Salihin avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan hafizahullah ta'ala. On est toujours dans le chapitre de l'ikhlas, la pureté de l'intention, et on est arrivé à l'explication du hadith numéro 10 dans ce chapitre. Et le hadith qu'on va lire, c'est le hadith qui est rapporté selon Abi Bakra. Et c'est quoi le nom de Abi Bakra? Ibn al-Harith. Son nom, c'est Nufay'. Nufay' ibn al-Harith al-Thaqafi. Al-Thaqafi. Hein? Donc, je vous l'ai dit juste avant le dars, mais bon, c'est pas grave, vous avez oublié. Inch'Allah, j'espère que là, vous ne l'oublierez plus. Nufay' ibn al-Harith al-Thaqafi. C'est qui? C'est Abu Bakr, radiyallahu anhu. Anna al-Nabiya sallallahu an Abi Bakr, Nufay' ibn al-Harith al-Thaqafi, radiyallahu anhu, anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, qal, idha altaqa al-musliman bisayfayhima, fal-qatil wal-maqtul fil-nar. Qultu ya Rasulallah, hadha al-qatil, fama balu al-maqtul? قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه. Donc le hadith, c'est un hadith rapporté par Abu Bakr radiyallahu anhu, ou bien selon Abu Bakr. Son nom c'est Nufay' ibn al-Harith al-Thaqafi radiyallahu anhu, et il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim ce hadith. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque deux musulmans se rencontrent avec leur épée, celui qui tue et celui qui est tué, les deux sont dans l'enfer. Alors le sahabi, il a dit: ô messager d'Allah, on comprend pour celui qui a tué qu'il soit en enfer, mais comment celui qui a été tué va être en enfer lui aussi? Il a dit: parce qu'il était il était déterminé à tuer son compagnon, lui aussi. Il voulait lui aussi le tuer. Hein? Et ce qui compte, c'est l'intention. Les gens seront jugés selon leur intention. Donc, les deux sont yani, en enfer à cause de ça. Le cheikh, il dit: « إذا التقى المسلمان بسيفيهما » قوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما أي يريد كل واحد منهما أن يقتل الآخر فسل عليه السيف وكذلك لو أشهر عليه السلاح كالبندقية البندقية أو المسدس البندقية والمسدس. Donc le cheikh dit qu'al bunduqiyya aw ghayrihima mimma yaqtulu ka hajar hajar aw nahwihi fa idha fa dhikru as-sayf huna ala sabil at-tamthil wa laysa ala sabil al-yaqin bal idha altaqa al-musliman bi ayyi wasilatin yakunu biha yani al-qatl fa qatala ahaduhuma al-akhar فالقاتل والمقتول في النار والعياذ بالله. فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا القاتل، يعني أن كونه في النار واضح، لأنه قتل نفسا مؤمنة متعمدا، والذي يقتل نفسا مؤمنا أو مؤمنة متعمدا بغير حق فإنه في نار جهنم. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأبو بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا القاتل. وهذه الجملة هي ما يعرف في باب المناظرة بالتسليم، يعني سلمنا أن القاتل في النار، فما بال المقتول؟ Donc ici le cheikh, il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith: lorsque deux musulmans se rencontrent avec leur épée, C'est-à-dire que l'un et l'autre, ils ont dégainé leur épée et ils veulent se tuer l'un l'autre. Il dit, et c'est la même chose si l'un des deux ou les deux sortaient une autre sorte d'arme. C'est-à-dire, c'est pas obligé d'être spécifiquement une épée. S'ils sortent une carabine, hein, ou bien un fusil, ou bien un pistolet, ou bien une pierre ou une roche, hein, dans le but de lancer sur l'autre pour le tuer, c'est la même chose. Donc ici, le cheikh, il dit ici, il a mentionné l'épée comme exemple. C'est pas pour dire que c'est obligé d'être ça de façon certaine. N'importe quel moyen par lequel un musulman essaie de tuer un autre, si l'un des deux tue l'autre, celui qui a tué et celui qui a été tué, les deux seront en enfer. Wal'iyazu billah. Et donc, Abu Bakr, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour celui qui a tué, on comprend. Et j'accepte que celui qui est tué, je comprends qu'il soit en enfer. Pourquoi? Parce que c'est clair. Il a tué une âme d'un croyant intentionnellement. Et celui qui tue une âme d'un croyant, celui qui tue un croyant intentionnellement et de façon injuste, c'est clair qu'il sera en enfer, hein, ou bien c'est normal qu'il soit puni en enfer, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 93, dans Sourate An-Nisa, et quiconque tue un croyant intentionnellement, alors sa rétribution sera l'enfer pour y demeurer éternellement, ou bien une longue durée de temps, hein, et Allah est en colère contre lui, ainsi qu'il a il a sur lui la malédiction d'Allah, et Allah a préparé pour lui un immense châtiment. Donc Abu Bakr, radiyallahu anhu, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc celui qui a tué, on comprend. Et ça c'est dans l'argumentaire, la façon quand tu débats, hein, tu dis d'accord, j'admets, hein, et je suis d'accord avec toi pour ce qui est de celui qui a tué, qu'il soit en enfer, c'est accepté. Mais par contre, pour celui qui tue, pourquoi, hein? Pourquoi lui devrait lui aussi être en enfer, puisque c'est la victime, hein? Alors le cheikh il dit, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِأَنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ فَهُوَ حَرِيصٌ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ ولهذا جاء بآلة القتل ليقتله ولكن تفوق عليه الآخر فقتله فيكون هذا والعياذ بالله بنيته القتل وعمله السبب الموصل للقتل فيكون أو يكون كأنه قاتل ولهذا قال لي لأنه كان حريصا على قتل صاحبه ففي هذا الحديث دليل على أن الأعمال بالنيات وأن هذا لما نوى قتل صاحبه صار كأنه فاعل ذلك أي كأنه قاتل وبهذا نعرف الفرق بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون من قتل دون ماله فهو من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد وقوله في من أتى ليأخذ مالك إن قتلته فهو في النار وإن قتلك فأنت شهيد وذلك لأن الإنسان الذي يدافع عن ماله وأهله ونفسه عرضه ونفسه وعرضه إنما دافع رجلا معتديا صائلا لا يندفع إلا بالقتل فهنا إذا قتل الصائل كان في النار وإن قتل الدافع كان شهيدا في الجنة فهذا هو الفرق بينهما وبهذا علم أن من قتل أخاه مريدا لقتله فإنه في النار ومن قتله أخوه وهو يريد أن يقتل أخيه لكن عجز فالمقتول أيضا في النار. Donc ici le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a répondu à Abu Bakr, pourquoi celui qui est tué lui aussi il est dans l'enfer? Il dit parce qu'il avait lui aussi envie de tuer son frère, hein? Mais il n'a pas été capable parce qu'il s'est fait tuer en premier, mais il avait la même intention. Donc c'était soit lui ou l'autre qui allait mourir. Donc ils avaient tous les deux la même intention, et tous les deux avaient l'arme ou le moyen de tuer l'autre. Sauf qu'il y en a un qui a eu le dessus sur l'autre et qui a réussi à le tuer. Wal'iyadhu billah. Donc, il avait lui aussi, celui qui a été tué, il avait lui aussi l'intention et le moyen de tuer son frère. Donc, il est comme s'il avait tué lui aussi. Et il avait lui aussi envie de tuer son frère. Donc, ici, le cheikh, il dit, il y a dans ce hadith-là, la preuve que les œuvres valent selon leurs intentions. Elles ont la valeur de leurs intentions. Et donc, si quelqu'un avait l'intention de tuer quelqu'un, même s'il ne l'a pas tué, mais il avait l'intention de le tuer, eh bien, c'est comme s'il l'avait fait. C'est comme s'il l'avait fait. Supposons que quelqu'un, il vient, par exemple, pour te tuer. Puis finalement, il rate son coup, ou bien il est empêché de le faire par quelque chose d'autre. Même s'il ne t'a pas tué, c'est comme s'il avait l'intention de le faire. Donc, il aura le poids de ce péché-là, malgré tout. Et donc, dans le cas de ce hadith-là, c'est la même chose. Et il dit, on voit donc la différence qu'il y a entre ce hadith et l'autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Celui qui se fait tuer en défendant sa vie ou son sang, il est martyr. Et celui qui se fait tuer en défendant sa famille, il est martyr. Et celui qui se fait tuer en défendant ses biens, il est martyr. » Pourquoi lui, il est martyr, puis l'autre, il n'est pas martyr? C'est parce que le cheikh, il explique. Il dit ici, parce que lui, il défend sa vie. Il défend ses biens. Il défend son honneur. Donc, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est légiféré. Et l'autre, c'est un transgresseur. Donc, ce n'est pas la même chose. Ou dans l'autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je pense qu'on avait expliqué ce hadith-là dans les cours précédents, si quelqu'un vient pour voler tes biens, il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, combat-le. Il dit, si je le tue, il dit, si tu le tues, il est dans l'enfer. Il dit, si lui, il me tue, il a dit, s'il te tue, tu seras martyr. Tu vois la différence avec l'autre hadith? Celui-là, il dit, si tu le tues, il va en enfer, et si lui te tue, tu vas au paradis. Tandis que dans ce hadith-là, il dit, si les deux musulmans se rencontrent avec leur épée pour se tuer l'un l'autre, les deux sont dans l'enfer. Tu vois la différence par rapport à l'intention? Les deux, c'est différent. Il dit, parce que celui qui se défend lui-même, sa vie, ou ses biens, ou son honneur, ou sa famille, contre un individu qui veut transgresser contre lui, contre un agresseur. Donc cet agresseur-là, c'est lui, s'il est tué, qui sera en enfer. Tandis que celui qui se défend, lui, il n'a rien fait de mal. Il s'est juste défendu. Donc c'est la légitime défense. C'est la légitime défense. Donc dans ce cas-là, lui, s'il est tué, il sera au paradis. C'est ça la différence donc entre les deux cas. Donc, si on sait ça, et si on a bien compris ça, celui qui a tué son frère alors que... celui qui a tué son frère alors que son frère voulait lui aussi le tuer, eh bien, celui qui a été tué, il sera autant dans le péché. Il aura autant de péché que celui qui l'a tué. Pourquoi? Parce que il avait la même intention que son frère de le tuer lui aussi. Sauf qu'il a été incapable de le faire. Donc, il sera lui aussi en enfer. Et c'est pour ça donc que si quelqu'un il a l'intention de faire quelque chose de haram ou de mal, mais qu'il n'a pas été... Par exemple, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui explique que... on va l'expliquer parce que c'est le hadith qui vient plus tard. Pas le suivant, mais l'autre hadith après. Donc vous allez comprendre ce hadith-là aussi. C'est que celui qui a l'intention de faire une bonne action... puis qu'il a fait, c'est comme s'il a 10 hasanat ou plus. Puis s'il avait l'intention de faire une bonne action, mais qu'il ne l'a pas fait, wa alaykoum salam wa rahmatullah, eh bien, il aura quand même une bonne action, une hasana. Il voulait faire le bien, mais il ne l'a pas fait parce qu'il a été incapable de le faire. Il aura quand même une bonne action pour avoir eu l'intention de faire le bien. Tandis que celui qui voulait faire un péché, qui avait l'intention de faire un péché, puis qu'il ne l'a pas fait, il aura une bonne action. Et si, il aura une bonne action, parce qu'il voulait faire un péché, mais il ne l'a pas fait. Puis, s'il fait le péché, il avait l'intention de faire le péché, puis il l'a fait, il aura un péché complet qui sera écrit pour lui, mais pas plus. Tandis que s'il fait une bonne action, il a l'intention de faire une mauvaise action, puis il l'a fait, il a l'intention de faire une bonne action, puis il l'a fait, c'est multiplié la récompense. Mais le péché, c'est pas multiplié. Le péché, c'est un. Donc, dans le hadith là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il avait l'intention de faire le péché, puis il l'a pas fait, il a une hasana au lieu d'un péché. Ça, c'est dans quel cas? Ça, c'est dans le cas de la personne qui avait l'intention de faire un péché, puis qui a décidé, qui a changé d'idée, il a changé d'intention, ou il a décidé de plus le faire par crainte d'Allah. D'accord? Donc, il a abandonné le péché par crainte d'Allah, alors Allah lui a calculé ce péché-là comme une bonne action. Mais si quelqu'un, il avait l'intention de faire un péché, mais qu'il a abandonné ce péché-là, pas par crainte d'Allah, mais à cause de la peur des hommes, ou parce qu'il a eu il a été empêché par le qadar ou quelque chose comme ça, ou bien parce qu'il a eu peur de la police ou des choses de ce genre, alors dans ce cas-là, il aura quand même le péché, même s'il n'avait pas pu faire ce péché-là, parce que la raison pour laquelle il a abandonné ce péché-là, ce n'était pas pour Allah. Donc l'intention là, c'est extrêmement important dans les actions qu'on fait. Et c'est là-dessus que Allah va nous juger. Les êtres humains, ils ne savent pas notre intention. C'est-à-dire, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Mais lui, Allah, oui. Allah, il sait, il voit tout, il entend tout, il sait tout. Et c'est pour ça ici que le cheikh, il explique ça. Il dit, par exemple, il dit, « Wa fi hadha al-hadith, dalilun ala » عظم القتل وأنه من أسباب دخول النار والعياذ بالله وفيه دليل على أن الصحابة كانوا يوردون على الرسول صلى الله عليه وسلم الشبهة فيجيب عنها ولهذا قال لا نجد شيئا من الكتاب والسنة فيه شبهة حقيقة إلا وقد وجد حلها إما أن يكون حلها بنفس الكتاب والسنة من غير إيراد سؤال وإما أن يكون بإيراد سؤال يجاب عنه ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما اليوم الأول كسنة واليوم الثاني كشهر واليوم الثالث كالأسبوع وبقية الأيام كأيامنا سأله الصحابة هذا اليوم الذي كسنة هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد قال لا ولكن اقدروا له قدره ففي هذا أبين دليل على أنه لا يوجد ولله الحمد في الكتاب والسنة شيء مشتبه لا حل له ولكن الذي يوجد قصور في الأفهام تعجز عن معرفة الحل أو تقصير في الطلب والتأمل والتفتيش فيشتبه عليه الأمر أما في الواقع فليس في الكتاب والسنة شيء مشتبه إلا وجد حلها في الكتاب أو السنة إما ابتداء وإما جوابا عن سؤال يقع من الصحابة والله الموفق. Donc ici le cheikh il explique que il y a dans ce hadith également parmi les choses bénéfiques qu'on peut tirer de ce hadith, la preuve que le meurtre est un crime extrêmement grave en islam. Hein? Et c'est quelque chose d'interdit. Et c'est parmi les causes pour que quelqu'un entre en enfer. Wal'iyadu billah. Hein? Ensuite, il dit, et il y a également la preuve que les sahaba, ils ramenaient parfois ou ils posaient la question au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à propos d'une shubha. Hein? À propos d'une shubha qu'ils ont dans la compréhension. Pour que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur dévoile et leur clarifie cette shubha. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répond. Hein? Et donc, il dit ici, on ne trouve pas le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit, on ne va pas trouver quoi que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna dans lequel il y a une shubha en réalité, excepté qu'il y a une réponse, une solution à cette shubha. Et il dit donc, par exemple, soit que cette shubha, elle soit mentionnée elle-même, puis qu'il y ait la réponse, c'est-à-dire soit que cette shubha, elle soit résolue elle, par elle-même dans le Coran et dans la Sunna, sans qu'il y ait de réponse, sans qu'il y ait de question qui ait été posée, d'accord? Ou bien, soit que yani, la shubha a été résolue et clarifiée à cause d'une réponse à une question. Et il dit, comme par exemple, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a informé que le Dajjal allait venir sur la terre et qu'il allait passer 40 jours, c'est le premier jour, il allait passer sur terre 40 jours. Le premier jour sera comme une année. Le deuxième jour sera comme un mois. Le troisième jour sera comme une semaine. Et le restant des jours seront comme nos jours qu'on connaît. Donc il va passer 40 jours sur terre. Le premier jour sera comme une année. Le deuxième comme un mois. Le troisième comme une semaine. Le restant des jours, ce sera comme les jours qu'on connaît. Alors, un parmi les sahaba a posé la question au messager d'Allah. Le jour qui est comme une année, est-ce qu'il sera suffisant pour nous de faire la prière d'une journée? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant non, sauf que vous devrez, vous devez estimer sa valeur. Vous devrez estimer sa valeur. Et donc, le cheikh, il dit donc que ça, c'est la preuve la plus claire qu'il n'y a pas, alhamdoulilah, dans le Coran et dans la Sunna, quoi que ce soit qui serait une cause d'ambiguïté ou de doute qui ne serait pas déjà résolue dans le Coran et dans la Sunna lui-même. Excepté que s'il y en a, c'est à cause de la faiblesse dans notre compréhension ou à cause de notre connaissance limitée ou à cause de notre négligence dans la quête du savoir ou dans la négligence de la réflexion et de la recherche de la résolution de ces shubuhat. Et donc c'est pour ça que certains ont encore des shubuhat parfois. Un autre exemple que le cheikh il n'a pas mentionné ici, mais qui est un exemple qui est très intéressant par rapport à ces exemples de shubuhat ou d'ambiguïté que certaines personnes pouvaient avoir. C'est l'homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parlait, il disait il n'y a pas de contagion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La adwa ». Il n'y a pas de contagion. Alors, un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Oh, messager d'Allah, comment ça, il n'y a pas de contagion ?» On voit que quand il y a une chamelle qui est malade et qu'elle est en présence des autres chamelles, eh bien, on voit que les autres chamelles, elles deviennent malades, elles aussi. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il lui a répondu? Il lui a dit, « Qui a fait tomber malade la première ?» En voulant dire que la maladie, elle affecte les gens. Et ça, c'est par la prédestination d'Allah. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contagion, mais ça veut dire plutôt que la contagion, si elle existe, elle ne va pas d'elle-même. C'est uniquement par la volonté et la permission d'Allah qu'elle peut se propager. Donc, il ne faut pas imaginer ou penser que cette contagion-là, elle est consciente ou qu'elle elle avance tout seule par elle-même et qu'elle, a, que elle se propage d'elle-même. Quelqu'un peut être en présence des gens malades et ne sera jamais contaminé par eux pour une raison que la personne, elle est immunisée naturellement. Allah a fait qu'elle soit immunisée. Tandis que d'autres personnes, ils vont juste être en contact quelques instants avec quelqu'un malade et automatiquement, ils vont tomber malades directement. Mais ça, c'est par le qadar et c'est Allah qui décide ça. Mais n'empêche que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a incité à prendre les moyens nécessaires pour se préserver des propagations des maladies, pour éviter justement qu'on soit affecté ou touché par ça. Ça veut dire qu'on met notre confiance en Allah et en même temps, on utilise les moyens et les causes nécessaires pour éviter d'être affecté par le mal. Donc ça, ça a un rapport avec le tawakkul. At-tawakkul et le fait de prendre al-asbab, les moyens. Et il n'y a pas de contradiction entre les deux. Hein, contrairement aux soufis qui pensent que si tu as le tawakkul, tu ne dois pas prendre al-asbab, tu dois juste rester comme ça, attendre. Non, c'est pas la méthode ou c'est pas la voie des uqala, des gens intelligents, que de nier les causes. Donc, ici ensuite, le cheikh, il explique et il dit « وَأَمَّا فِي الْوَاقِعْ فَلَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَسُنَّةِ شَيْءٌ مُشْتَبِهٌ » Il dit, il n'y a pas, en réalité, rien dans le Coran ou dans la Sunna qui serait ambigu ou qu'on n'aurait pas une réponse lorsqu'il y a quelque chose qui est ambigu ou qui cause une complication dans la compréhension, excepté qu'on va retrouver, soit directement dans le Coran et dans la Sunna, la réponse à cette ambiguïté-là, ou bien soit qu'il y a la question qui a été posée par le Sahabi à cette question. Donc, ça, c'est un exemple. Il y a beaucoup d'autres exemples aussi. Il y a un homme, une fois, qui est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Oh, messager d'Allah, ma femme, elle a eu un enfant, je le renie. » Il a dit, « Pourquoi ?» Il dit, « Parce qu'il est sorti, il était noir. » Et en voulant dire, « Moi, je ne suis pas noir, comment ça se fait que l'enfant, il est noir ?» En voulant dire, il accuse sa femme de l'avoir trompé. Alors, il a dit, « Est-ce que tu as des chamelles ?» Il a dit, « Oui. » Il a dit, « Est-ce que parmi elles, des fois, il n'y en a pas qui sortent de d'autres couleurs ?» Il a dit, « Oui. » Alors, il a dit, « Alors, peut-être que... Alors, ça, c'est quoi qui cause ça ?» Il a dit, « C'est quoi qui cause ça ?» Il a dit, « Peut-être que c'est... Yani, » comme il a utilisé un terme, il a dit, « La'alla asabahu irq. » Alors, il a dit, « Kathalik. » Yani, la même façon, peut-être que cet enfant-là aussi, c'est la même chose. Des fois, c'est les gènes. Hein? Peut-être que parmi ses grands-parents ou ses ancêtres, il y avait quelqu'un qui avait de la peau foncée ou quoi. Puis, il a été affecté par ce gène-là. Et puis, l'enfant est sorti plus foncé. Et donc, ce n'est pas une excuse ou une raison pour accuser ta femme d'avoir fait le zina. Parce que ça, c'est grave. Hein? Non. Et non. Donc, ici, ensuite, on passe à un autre hadith. Et c'est le hadith numéro 11. Donc, on va lire le hadith. « An Abi Hurayra, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ وأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه وهو بفتح الياء والهاء وبالزاي أي يخرجه وينهضه أي نعم. Donc ici le cheikh il explique ce, et premièrement on va lire la traduire la, le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit c'est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu. C'est quoi le nom d'Abu Huraira? Abdurrahman. Abdurrahman. Et le nom de son père, hein? Abdurrahman ibn Sakhrin. Abdurrahman ibn Sakhrin. Donc c'est Abu Huraira. Il y a des divergences à propos de son nom, mais ça c'est le nom qui est le plus célèbre. Abdurrahman ibn Sakhrin radiyallahu anhu. Il dit, et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et cette narration c'est celle de Muslim. Donc il dit ici que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit la salat dans la jama'a, que quelqu'un fait en groupe, elle est supérieure et elle est plus grande en récompense que la salat qu'il va prier dans son marché, hein, dans son souk, ou bien dans sa maison de 25 degrés. Hein, bid'an, ou de 20 et quelques degrés. Il a dit bid'an. Bid'an, ça veut dire yani et quelques. Yani si je me souviens bien, je pense que c'est un nombre de 3 à 9. Si je ne me trompe pas, c'est quelque chose comme ça, ou moins que ça. À la kulli hal, bid'an, ça veut dire 20 et quelques degrés. Et il dit, et la raison de ça, c'est parce que lorsque l'un d'entre vous fait son wudu et il le fait bien, il le fait hein, de la meilleure façon, puis qu'il vient à la mosquée, il n'a rien d'autre comme intention que la salat. C'est-à-dire, il vient à la mosquée, il n'a rien d'autre, aucune autre intention que de faire la salat. Et qu'il n'y a rien qui le fait se lever excepté la salat. Il n'y a pas un pas qu'il fait excepté que Allah va l'élever d'un degré. Et il n'y a pas un pas qu'il fait excepté que yani, il va être on va lui enlever un péché à chaque pas. Donc à chaque pas qu'il fait, on l'élève d'un degré dans le paradis, et on lui enlève un péché pour chaque pas qu'il fait quand il marche vers la mosquée. Il dit ensuite, jusqu'à ce qu'il rentre dans la mosquée. Une fois qu'il entre dans la mosquée, il est en train de faire, c'est comme s'il était en train de faire la salat, hein, tant qu'il est en train d'attendre la salat. Hein, tant que la salat le retient dans la mosquée, il est encore comme s'il était en train de faire la salat, même s'il ne prie pas, même s'il est juste assis comme ça à attendre, c'est comme s'il était dans la salat. Et les anges prient sur lui. Hein, les anges prient sur l'un d'entre vous tant qu'il reste assis à l'endroit où il a prié. Et les anges, qu'est-ce qu'ils disent dans ce doua pour lui? Quand ils font le doua pour lui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, « Oh Allah, fais-lui miséricorde. Oh Allah, pardonne-lui. Oh Allah, reviens repentant vers lui. Hein, » c'est-à-dire, accepte sa repentance. Et il dit ça, c'est tant qu'il n'a pas offensé hein, ou dérangé quelqu'un. Et tant qu'il n'a pas, « lam yuhdith », c'est-à-dire, il n'a pas perdu son ablution. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et la narration c'est celle de Muslim. Il dit ici le cheikh, donc yanhazuhu, il explique que, qu'est-ce que ça veut dire, qu'il sorte ou bien qu'il se lève. Non. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin, il explique le hadith. Il dit, « Ma'na al-hadith annahu idha salla l'insan fil masjid ma'al jama'a, kanat hadhihi s-sala afdalu min as-salat fi baytihi ou fi souqihi 27 marratan, lianna s-salat ma'al jama'a qiyamun bima awjaballahu min s-salat al-jama'a. فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة الجماعة فرض عين وأنه يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجد لأحاديث وردت في ذلك ولما أشار ولما أشار إليه الله سبحانه وتعالى في كتابه حيث قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فأوجب الله الجماعة في حال الخوف فإذا أوجبها في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى وأحرى ثم ذكر السبب في ذلك بأن الرجل إذا توضأ في بيته فأصبغ الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا ينهزه أو لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة ولا رفع الله بها إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة يعني سواء أقرب مكانه من المسجد أم بعده كل خطوة يحصل له فائدتان الفائدة الأولى أن الله يرفعه بها درجة والفائدة الثانية أن الله يحط عنه بها خطيئة وهذا فضل عظيم. Donc ici le cheikh il explique, il dit la signification de ce hadith c'est que lorsque quelqu'un prie à la mosquée en jama'a, la récompense qu'il aura est de 27 fois plus de récompense que s'il priait chez lui dans sa maison ou dans son marché, dans son commerce, hein, s'il a un commerce. Parce que la salat avec la jama'a, hein, c'est d'établir une obligation de la prière en jama'a. Parce qu'il y a divergence entre les ulama sur la prière en jama'a à la mosquée. Est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est... Donc il dit, donc il y a divergence entre les ulama sur la salat al-jama'a fil masjid, est-ce que c'est wajib ou non? Et al-qawlu rajih, le cheikh il dit, la position la plus correcte, qui est supportée par le plus de preuves, c'est la position de ceux qui disent que la prière en jama'a c'est une obligatoire pour chaque individu musulman, et que c'est obligatoire qu'il prie en jama'a à la mosquée. Et il dit, la preuve de ça, c'est dans les hadiths qui ont été mentionnés, qu'on a mentionnés, et dans d'autres hadiths également. Comme par exemple, dans les versets de Coran, le verset, il a cité le verset 102 dans Surat An-Nisa. Et donc, on va lire la traduction de ce hadith-là, ou de ce verset-là. Et c'est le verset 102 dans Surat An-Nisa, c'est le verset à propos de la prière de la crainte. La prière de la crainte, c'est-à-dire lors de la guerre. Hein? Et que lorsqu'il y a une... les croyants sont sur le terrain de bataille, comment ils doivent faire la salat? Eh bien, ils peuvent... Hein? Il y a des façons que Allah subhanahu wa ta'ala a permis aux croyants de faire la prière d'une façon pour que... pendant qu'un groupe d'entre eux prie, l'autre groupe surveille, hein, contre les ennemis. Donc ici, il mentionne « فَإِذَا قُمْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ » Donc, il dit « Puis lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous. » Donc c'est ça. « Et lorsque tu te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la salat, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie, en gardant leurs armes. Puis lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous. » et que tu viennes, et que vienne l'autre groupe, ceux qui n'ont pas encore fait la salat, et que ceux-ci aient alors à ceux-ci d'accomplir la salat avec toi, et ainsi de suite. Donc, le cheikh, il a cité ce verset-là pour dire que si Allah a ordonné de faire la prière en jama'a, même lorsque il y a un état de crainte, alors que dire de la situation d'une personne qui n'est pas en situation de crainte? Par exemple, quelqu'un qui n'est pas en situation de guerre, donc il devrait prier en jama'a. Sauf que ici, bien entendu, c'est pas un argument pour supporter nécessairement que c'est la jama'a à la mosquée, parce que dans les moments de crainte, ils ne vont pas nécessairement prier à la mosquée dans cet exemple-là. Mais à la kulli hal, une chose est certaine, c'est que c'est toujours mieux de prier en jama'a que de prier tout seul. Et le cheikh, il dit, puis ensuite il a mentionné la cause de ça. Il a mentionné la cause. Pourquoi c'est meilleur la prière à la mosquée que de prier chez soi ou de prier dans son commerce ou des choses comme ça. Il dit parce que quand tu vas aller prier à la mosquée, que tu vas faire ton wudu, tu vas faire bien ton wudu, tu sors de chez toi, tout ça c'est des efforts que tu fais. Et tous les efforts que tu vas faire, Allah il va te récompenser pour. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Chaque pas que tu vas faire, Allah va t'élever d'un degré et il va t'enlever un péché. Peu importe que l'endroit où tu habites est loin ou proche de la mosquée. Hein? Et donc, il y a deux bienfaits dans ça, dans les pas que tu fais pour la mosquée. Le premier, c'est que Allah, il va t'élever d'un degré à chaque pas et il va t'effacer un péché également à chaque pas. Et ça, c'est un grand mérite. Il dit ensuite, le cheikh, « وَقَوْلُهُ فَإِنَّهُ فِي صَلَاتٍ مَنْ تَذَرَ الصَّلَاتِ وَهَذِهِ أَيْضًا نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ لَوْ بَقِيتَ مُنْتَظِرًا لِلصَّلَاةِ مُدَّةً طَوِيلَةً وَأَنْتَ جَالِسٌ لَا تُصَلِّي بَعْدَ أَنْ صَلَّيْتَ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ وَمَا شَاءَ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ لَكَ أَجْرُ الصَّلَاةِ لَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَنْ تَذَرَ الصَّلَاةِ. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'une personne, elle sera considérée comme étant en prière jusqu'à ce qu'elle, tant qu'elle atteint la prière. Donc quand elle est assise, hein, maintenant vous êtes assis, vous écoutez le dars, mais en même temps vous attendez la prière. Hein, donc vous êtes considéré comme étant en prière tout le temps que vous êtes assis pour attendre la prière. Et donc ça c'est une grande grâce de la part d'Allah. Il dit si quelqu'un par exemple, il rentre à la mosquée puis il attend une longue durée de temps pour établir la salat en jama'a, même s'il ne prie pas d'autres salawat après avoir fait tahiyatul masjid, le salut de la mosquée, il rentre, il fait rak'atain, eh bien, tout le temps qu'il attend pour jusqu'à ce que la salat soit établie, eh bien, c'est comme s'il était en salat. C'est comme s'il était en prière pendant cette attente-là. Et il a la récompense d'être en train de faire la salat jusqu'à ce qu'il la fasse parce qu'il est en train de l'attendre. Le cheikh il dit وهناك ايضا شيء رابع ان الملائكه تصلي عليه ما دام في مجلسه الذي صلى فيه تقول اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه وهذا ايضا فضل عظيم لمن حضر بهذه النيه وبهذه الافعال. Donc il dit, il y a une autre chose, une quatrième chose aussi par rapport au bienfait de la prière à la mosquée, c'est que lorsqu'il va à la mosquée, les anges vont prier sur lui tant qu'il reste assis à sa place où il a fait la salat. Et les anges disent, oh Allah, bénis-le, oh Allah, pardonne-lui, oh Allah, fais-lui miséricorde, oh Allah, accepte sa repentance. Et tout ça, c'est une grande grâce pour celui qui a eu l'intention de venir à la mosquée pour faire la salat avec ces actions-là. Il dit والشاهد في الحديث قوله ثم خرج إلى من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، فإنه يدل على اعتبار النية في حصول هذا الأجر. ولو خرج من بيته لا يريد الصلاة فإنه لا يكتب له هذا الأجر، مثل أن يخرج من بيته إلى دكانه ولما أذن ذهب يصلي، فإنه لا يحصل على هذا الأجر، لأن الأجر إنما يحصل لمن خرج من البيت لا يخرجه إلا الصلاة. ولكن ربما يكتب له الأجر من حين ينطلق من دكانه أو من مكان بيعه وشرائه إلى أن يصل إلى المسجد، ما دام انطلق من هذا المكان وهو على طهارة. والله الموفق. والله الموفق. Et ici le cheikh il explique que يعني si par exemple quelqu'un c'est ça le point qui est tiré de qui c'est-à-dire le but d'avoir cité ce hadith là dans ce chapitre. Pour quelle raison l'imam al-Nawawi il l'a mentionné, hein? C'est parce qu'il faut qu'il y ait un lien avec le sujet de Al-Ikhlas, puisque le chapitre c'est à propos de Al-Ikhlas. Donc c'est quoi le lien entre le sujet du chapitre et le hadith? Le cheikh il dit c'est par rapport au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: lorsque l'un d'entre vous sort de sa maison vers la mosquée, rien ne le fait sortir excepté la salat. Donc ça c'est la preuve qu'on considère l'intention. Hein? On va prendre en considération l'intention pour obtenir cette récompense là. Il dit si quelqu'un par exemple il sort de sa maison, il veut pas la salat, eh bien on ne va pas lui écrire cette récompense là. C'est comme celui par exemple qui va sortir de la maison pour aller dans son magasin ou dans son commerce ou aller au marché ou des choses de ce genre. Yani, le cheikh il dit il va au magasin, puis en arrivant au magasin il va acheter, puis il entend l'adhan, il dit je vais aller à la mosquée. Donc lui il n'aura pas cette récompense comme celui qui est sorti de chez lui que pour aller à la mosquée. Le cheikh il dit toutefois c'est clair que peut-être qu'il aura la récompense du moment qu'il s'est décidé d'aller à la mosquée. À partir du magasin jusqu'à la mosquée, il aura la récompense de ce déplacement-là. D'avoir quitté le magasin pour aller jusqu'à la mosquée, il aura la récompense du moment qu'il est parti du magasin pour aller à la mosquée, s'il était en état de pureté. Donc, des fois, l'intention, ça peut être... quelqu'un, en même temps, peut avoir plusieurs intentions en même temps. Parfois, quand il fait des choses... Donc, quelqu'un peut dire, bon, moi, je vais aller à la mosquée, mais en passant à la mosquée, je vais aller acheter quelque chose, après, je vais aller à la mosquée. Donc, si c'est dans ce cas-là, tu vois, des fois, ça dépend des intentions, mais Allah, subhanahu wa ta'ala, il sait dans ton cœur qu'est-ce qu'il y a comme intention, et chacun, il aura la récompense selon l'intention qu'il avait, peu importe qu'est-ce qu'il avait comme intention, et même s'il y avait diverses intentions en même temps. Comme, par exemple, quelqu'un qui dit, bon, je vais aller à la mosquée pour faire la salat, puis en même temps, je vais aller pour aller assister à un dars. Ça, il y a une double intention là-dedans. Mais ça n'empêche pas que une intention ne contredit pas l'autre. Hein? Donc, dans ce cas-là, ça, c'est correct également. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Le hadith prochain, c'est le hadith dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le hadith 12. Ça, on l'expliquera la prochaine fois, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.